Le complexe chimique de la jeunesse de Namur a abrité les 10 et 11 courants, l'exposé national technoscientifique de l'industrie chimique. Les scientifiques, techniciens, enseignants, stagiaires de doctorat et d'autres fonctionnaires ont pris part à l'exposé tenu sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée. Les meilleurs auteurs sont primés.